Chapitre 322. La réprobation d'insulter la fièvre. 1726. D'après Jabir, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, rendit visite à Umm al-Sa'ib ou Umm al-Musayyib et lui demanda « Qu'as-tu à frissonner ainsi ?» Elle répondit « C'est cette maudite fièvre. » Il dit, alayhi salatu wassalam, « N'insulte pas la fièvre, car elle efface les péchés des hommes comme le soufflet du forgeron débarrasse le fer de ses impuretés. » Muslim.